J'attends que le sommeil vienne et que mes chimères m'entraînent où s'arrête le temps. J'ai vu trois éclipses de lune reflétées par des dunes sablées d'or et d'argent. Chacune caressée par le vent exigeait dans les bras de Morphée. Les larmes de mes nuits sont plus belles que vos jours. Je préfère à l'ennui m'endormir pour toujours. La pesanteur du réel. voyager.